Salut. Alors désolée, je suis malade, donc je vais perdre en intelligibilité. Je vais faire quelque chose que je fais pas trop d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire un retour sur une expérience immédiate sans avoir pris de notes ou autre. Je sors de mon premier rendez-vous chez une endocrinologue, donc une personne, une docteure spécialisée dans les traitements hormonaux et notamment le traitement hormonaux pour les personnes trans. Je suis allée voir l'endocrino parce que j'ai parlé à ma généraliste il y a quelques mois de mon désir de faire une mastectomie et elle m'a immédiatement écoutée et elle m'a envoyée donc chez cet endocrino-là avec une lettre qui dit alors de mémoire, trouble de l'identité sexuelle depuis l'enfance, désir obtenir une mastectomie bilatérale, donc une ablation des deux seins, ne souhaite pas de traitement hormonal à ce jour. Alors voilà, ne souhaite pas traitement hormonal à ce jour. Alors c'était un peu particulier comme entrevue parce qu'en fait je me suis retrouvée un peu à la fois elle était sympathique, souriante, etc. et à la fois un peu second degré. Je sais pas, elle s'est pas moquée de moi, mais quelque part a un peu ri de ma candeur de me présenter là en disant voilà, je veux pas forcément prendre d'hormones, mais je veux une mastectomie. Et bon, elle a clairement dit que c'était impossible d'obtenir une mastectomie sans prise d'hormones. Alors je lui ai demandé est-ce qu'il y a des raisons médicales à ça? Ou est-ce que c'est juste... Elle m'a envoyé chez le psychiatre directement. Je vais prendre rendez-vous là. Elle m'a dit oui, c'est plus facile d'enlever les seins une fois qu'ils ont un peu diminué, machin. Mais surtout, il faut s'assurer de la stabilité psychologique il faut. Et c'est pas anodin comme opération, machin. J'ai un peu insisté quand même, et c'est en ça que je pense qu'elle était bien, c'est-à-dire qu'elle était suffisamment accessible pour me permettre d'insister. J'ai un peu insisté, je lui ai dit, mais en fait, pour moi, les hormones, c'est un bonus. J'y réfléchis, j'en suis pas encore à avoir décidé. Mais les seins, c'est la priorité, en fait. C'est-à-dire que je veux d'abord ça. Alors pour elle, je faisais les choses dans le mauvais sens, ou dans le sens inverse de l'ordinaire. Elle n'a pas dit le mauvais sens, bien sûr. Enfin, bien sûr. Enfin voilà, donc je suis ressortie. J'ai attendu 1 heure parce qu'il y avait du retard, et je suis ressortie après moins de 10 minutes de consultation et une exhortation à aller voir le psychiatre du service. Donc une attente de 2, 3 mois, 4 mois, on va voir. Et encore ensuite une attente de 2, 3, 4 mois pour voir l'endocrino au minimum. Ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que. Mais parce que. Parce que Quand on arrive à l'étape endocrino, ça fait quand même un moment qu'on se pose des questions, quoi. C'est pas, tiens, j'ai des doutes sur mon identité de genre, je vais aller voir l'endocrino, quoi. Et elle m'a marqué comme en questionnement, alors qu'en fait, mon questionnement, il est. Alors oui, je suis en questionnement, mais tout le monde est en questionnement en permanence. Je veux dire, en tout cas, j'ai l'impression. Toutes les personnes queer, trans, binaires, trans non-binaires, toutes les personnes queer, je pense, sont en questionnement, ou en tout cas, c'est le privilège de peu de savoir de façon très très très nette et très claire et très définitive ce qu'elles veulent. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est arrêter d'être identifiable à merci, comme une femme, comme ça. Je veux pas cesser d'être une meuf dans l'absolu, dans le sens où je veux pas repousser radicalement tous les signes de féminité, où je veux pas abandonner la féminité, dans le sens où je veux pas. Ce que je désire, ça n'est pas une suppression de ma féminité, c'est un élargissement du spectre des possibles. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ma féminité, c'est un piège. Par exemple, parce que j'ai des seins, et en fait, les seins, ça se voit beaucoup. C'est con, mais. Et en plus, essayer de les cacher, ça aboutit à s'habiller de façon dont j'ai pas envie de m'habiller, en fait. Il y a ça aussi, c'est que là, dans la salle d'attente, donc il y avait pas mal de personnes trans, forcément, et il y avait notamment 3 mecs trans qui passaient pour binaires. Alors, je dis pas que c'est des personnes trans binaires, parce que forcément, quand on va voir l'endocrino, il y a une tentation de coller. Moi, je l'ai pas fait parce que je voulais make a point. C'est une petite habitude que j'ai. Mais voilà, c'était des mecs virils, quoi. Alors, bon, voilà, je disais un peu dans mon prochain podcast, mais je trouve quand même que la virilité, ça va mieux aux personnes qui sont pas forcément nées avec. En tout cas, ça a un côté que je trouve très attirant. Mais bon. Et il y avait... Il y avait notamment une meuf trans qui, elle aussi, passait binaire, quoi. Je sais pas, voilà, je sais pas si dans leur tête ils se considèrent comme transbinaires, ces personnes, mais en tout cas, il y avait cet aspect-là. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, forcément. Ouais, voilà, ce que je voulais dire, c'est parce que je suis pas arrivée en disant je suis une personne transbinaire. On m'a renvoyé à l'étape en questionnement, alors qu'en fait, je sais que je ne suis pas une personne transbinaire, voilà, vraiment, c'est acté dans ma tête, quoi. Quand j'étais ado, j'ai eu cette tentation de transitionner, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, bref, whatever, j'ai eu cette tentation de transitionner, et notamment parce que j'étais attirée par les femmes, et notamment les femmes hétéros, en fait, je suis toujours attirée par les femmes hétéros, c'est vraiment nul. comme orientation sexuelle. Et ouais, j'avais envie de la masculinité hétéro, en fait. J'avais envie de cette masculinité-là dans un cadre hétéronormatif, en fait. Je désirais ce truc-là. Et j'ai décidé de ne pas transitionner, notamment pour une raison qui est un peu con, hein, ou en tout cas qui paraît pas valable du tout, et qui n'est pas valable en fait, hein, si c'est votre seule raison, posez-vous la question. J'ai transitionné parce que j'étais petite. Je n'ai pas transitionné, pardon, parce que j'étais petite, je me trouvais... déjà, je me disais, c'est déjà assez chaud d'être une meuf d'un mètre cinquante, j'ai pas envie d'être un mec d'un mètre cinquante, quoi. Bon, il y a des... En vrai, c'est pas totalement absurde de pas vouloir être un mec d'un mètre cinquante, je pense que ça peut être un peu chiant aussi, des fois. Même si j'ai révisé mon jugement depuis, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose. Quand mes seins ont commencé à pousser à l'adolescence, dès le début, j'ai dit, je vais me les faire enlever. Enfin, dès le début. C'est-à-dire que les quelques premiers mois, vous savez, quand on commence à avoir des seins, on se dit, ah, ça y est, je deviens une adulte et tout. Et ensuite, il y a ce truc-là de, ok, it's getting out of control. Juste, on arrête là, quoi, ça va plus. Et en fait, je le pensais pas sérieusement, dans le sens où... Je m'imaginais aller me faire réduire les seins, mais pas forcément aller me les faire enlever. Mais n'empêche que je le disais, quoi. Je dis, je vais les enlever, quoi. Ça me pèse. Et en fait, ils me pèsent toujours, ils me font mal. Je fais des cauchemars. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça m'est arrivé de faire des cauchemars juste par rapport à mes seins, notamment à l'allaitement, qui est quelque chose d'absolument traumatique dans ma tête. C'est horrible, genre jamais, quoi. Même si je restais une meuf, on va dire... ou même si je devais avoir une grossesse, etc., ce qui n'est pas du tout prévu, je sais qu'allaiter, ce serait absolument l'enfer pour moi, ce serait inconcevable, parce que vraiment, c'est horrible, quoi, pour, dans la relation que j'ai à mes seins. Déjà, j'aime pas qu'on les touche, alors la perspective que d'allaiter avec, c'est cauchemardesque, quoi, c'est littéralement. Et ouais, et récemment, en fait, j'ai commencé à de plus en plus m'identifier comme queer, sachant que quand j'ai découvert le mot queer, c'était à la fac, et en fait, jusque-là, j'avais du mal à m'identifier comme féministe. C'est-à-dire, j'étais d'accord avec les féministes, de façon générale, pas forcément de façon précise, et certes, je suis carrément plus radicale dans mon féminisme que je l'étais avant, mais je n'arrivais pas à me dire féministe parce que je ne m'identifiais pas à la catégorie femme. C'était avant que je considère qu'on n'avait pas besoin d'être une femme pour être féministe. Par ailleurs, c'est aussi pour ça que je trouve que le terme de allié est vraiment excluant, quoi, exclusif. Je pense qu'on peut être féministe sans être une femme, vraiment, et même sans avoir l'expérience de base de comment dire, sans être assignée femme ou rien, quoi. Être féministe, c'est autre chose. Mais bon, à ce moment-là, je me disais, je me sens pas être une meuf, donc je me sens pas féministe, quoi. Et puis le terme queer est arrivé en cours de philo sur Judith Butler, forcément. Et là, j'ai fait, mais voilà, je suis queer. Et ça m'a vraiment fait l'effet d'une illumination. En fait, c'est ça, je suis queer. Ok, vendu. Le queer, c'est vraiment je tiens énormément à ce terme. Et notamment au fait qu'il soit extrêmement vague. Je n'utilise quasiment que le terme queer, d'ailleurs. J'utilise très rarement LGBT, LGBT+, etc. Queer, pour moi, on peut être hétéro et queer aussi, enfin, il y a des choses... c'est quelque chose de plus fondamental qui tient à la confrontation de la norme et à la contestation de l'hétéronormativité, de la mononormativité, de tout ça, en fait, quoi, de la cisnormativité. Et ouais, je me suis bien retrouvée dans cette catégorie de queer. Et au fil des années, je me suis rendu compte que j'avais beau être queer, à part les quelques personnes queer qui allaient me reconnaître comme queer, et encore pas toutes, c'est, j'ai fait l'objet de à certains moments de rejet de la part de personnes queer parce que j'étais pas perçue comme queer ou pas assez queer, etc. C'est pas la majorité, bien sûr, hein, je veux pas peser là-dessus, mais n'empêche qu'il y a des problèmes dans la communauté, notamment de pureté militante, qui mènent à ce genre de truc, c'est-à-dire des personnes qui s'identifient comme queer, mais qui ont du mal à l'exprimer ou qui ne sont pas sur un terrain où c'est perceptible, vont se retrouver mises à l'écart, alors qu'en fait, they belong. Et moi, je pense que everybody belongs, d'ailleurs, vraiment. J'aimerais bien que tout le monde y soit queer, vous voyez. Enfin bref, je m'égare encore, et ouais, je me suis retrouvée à être queer et à ne pas être perçue comme queer jamais, en fait. À part quelques rares occurrences, je me souviens d'un mec bourré, alors que j'attendais le tram à minuit, qui commence à me taper la discute, et en me disant « Putain, je suis tellement bourrée, je viens de me prendre un coup de... genre une barrière dans les couilles et tout, c'est horrible. Enfin, mais toi, tu sais ça. » Et là, je l'ai regardé, ça m'a fait rigoler parce que... Et il fait, ah bah je dis, je suis pas homophobe du tout, etc. Bref, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, le gars, je portais une jupe et tout, mais le gars, il m'a identifié comme un... comme une personne avec des appareils génitaux masculins, en fait. Je sais pas s'il m'a identifié comme un... Là, il m'a dit, je suis pas homophobe, donc peut-être comme un mec homosexuel ou comme une meuf trans, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en tout cas... Il m'a identifié comme assigné garçon, et c'était vraiment cool, ça m'a... À la fois c'était surréaliste, et à la fois c'était vraiment cool. Mais de façon générale, dans mes interactions, on va me genrer au féminin, et le féminin c'est mon genre en fait. Je pense que je préfère être... autant en anglais je peux utiliser they, autant en français je me sentirais pas d'utiliser le masculin, ou ça peut m'arriver, mais pas si souvent que ça. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on utilise le pronom féminin parce que c'est mon pronom, et pas parce que c'est mon genre, vous voyez. J'ai pas envie d'être un genre féminin. Je suis ok avec le fait que le féminin soit mon pronom. C'est pas la même chose. Et en fait, notamment mes seins sont un obstacle à ça. Et aussi mon expression de genre. En fait, je porte des jupes. C'est con, mais je ne supporte pas de porter des jeans. J'ai essayé de mettre un jean là, avant d'aller chez l'endocrino. Je me détestais un peu d'ailleurs. Je me disais, Axel, t'es en train de jouer le jeu et tout. Bref. Et en fait, non. C'est juste insupportable. Je ne peux pas. Genre, je porte que des jupes parce que je supporte pas d'avoir mes jambes dans un étau comme ça. Ça me va pas du tout. Où je porte majoritairement des jupes et puis des fois des pantalons ou des choses un peu plus sympas. Mais voilà, en fait, je veux pas arrêter de porter des jupes. Et si je vais prendre de la thé, je vais quand même être un mec en jupe, en fait. Ou perçu comme une personne avec une voix grave et une barbe et une jupe, en fait. Parce que je vais pas arrêter de porter des jupes. Je suis en train de digresser à mort. Je pensais que ce podcast ferait 3 minutes et en fait, je sais pas combien... Ah ouais, ça fait déjà 13 minutes, my bad. Je vais peut-être essayer de conclure. Ma conclusion, outre le fait que je viens de chez l'endocrino et qu'en fait il faut que j'aille prendre rendez-vous chez un psychiatre, ce qui me gave, c'est que la non-binarité est considérée comme étant en questionnement. Et c'est nul. Voilà, faut arrêter. C'est pas une question. Vous voyez, c'est comme être bi. D'ailleurs, je suis aussi bi. Incroyable. Bref, tout ça pour dire, il faut abolir le genre, tout ça, on y revient, et à la prochaine.